Le jeudi 13 octobre, il est 12h30, voici les informations à CKRL. Le maire Régis Labeaume entend se mêler du projet de train à grande fréquence de Via Rail. Le maire craint que le TGF Québec-Windsor perde de son attrait s'il ne passe pas par le centre-ville de Montréal. Il appelle le gouvernement, Via Rail et la Caisse de dépôt et de placement à reconsidérer leur plan. La semaine dernière, le Soleil révélait que Via se pliait aux exigences de la Caisse et dépôt qui refuse d'accueillir un second train dans son tunnel sous le Mont-Royal. Des citoyens du quartier Saint-Sauveur ont formé une chaîne humaine ce matin dans une ultime tentative de sauver le centre du Rocher de la démolition. Une quarantaine de citoyens se sont massés sur la rue du Rocher ce matin, tandis que derrière eux, des ouvriers s'affairaient pour une deuxième journée de suite à démanteler la façade ouest du bâtiment, vieux de 60 ans. Rappelons que la ville a retenu le projet d'Action Habitation pour la construction d'un édifice de 69 logements abordables et d'un point de service de la Bibliothèque de Québec. Le porte-parole du comité des citoyens du quartier Saint-Sauveur, Éric Martin, dit qu'il aurait aimé une meilleure écoute de la part de l'administration municipale. On n'est pas des citoyens de seconde classe, c'est pas parce que Saint-Sauveur c'est un quartier défavorisé qu'il doit le rester. Et s'il vous plaît, arrêtez la charité. On veut des vrais services, on paye des taxes ici. Ce qu'on demande, c'est la consultation en amont des projets. Le maire veut faire changer la loi municipale pour abolir les référendums. On voit bien que le maire n'a pas une bonne attitude envers sa population. Il ne les consulte pas sur les sujets qui l'intéressent. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la suspension immédiate du permis de démolition et la rencontre des Oblats qui doit avoir lieu le 18 octobre avec toutes les parties. Toutes les parties sont prêtes à s'asseoir. Le maire refuse de s'asseoir. Pourquoi? C'est lui qui nous représente. Scène fédérale, le premier ministre français Manuel Valls entame une visite de 2 jours au Canada. Il rencontrait ce matin à Ottawa son homologue canadien Justin Trudeau. Les deux hommes, depuis Ottawa, ont livré un plaidoyer en faveur de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. M. Trudeau a estimé que le refus d'un tel accord serait de mal augure pour l'Europe qui peine présentement à retrouver l'unité après la sortie des Britanniques. M. Valls a pour sa part réitéré le soutien de la France pour un tel accord. Enfin, le prix Nobel de la littérature est remis à un musicien pour la première fois depuis sa création. À 75 ans, Bob Dylan s'est vu décerner cette récompense internationale. L'Académie suédoise affirme avoir jeté son dévolu sur le chanteur américain pour ses textes engagés et son influence sur les générations d'artistes qui l'ont suivi. La météo est une présentation de Rainfray Volkswagen. Durant le Volksfest, réveillez-vous au volant de la Volkswagen de vos rêves avec le financement à partir de 0% sur 84 mois ou jusqu'à 6 000 $ de rabais. À Québec, c'est généralement nuageux et on a 15 degrés présentement. La pluie va débuter cet après-midi. On parle d'accumulation de 5 à 10 mm de pluie. Il y aura également ce vent du sud-ouest de 20 km/h avec rafale à 40. La pluie cesse ce soir. Il y a dégagement par la suite. Demain, vendredi, c'est le retour du soleil avec un maximum de 10 degrés Celsius en après-midi.